ce bonhomme-là, ce Sam, c'est ton père. C'est là que ça se complique. Sam a dit à maman qu'il rentrait chez lui pour se marier. Oh, le salaud! Tous les mêmes. Attendez que je retrouve. Ah, 4 août. Quelle nuit! J'avais toujours le blues de Sam, mais après le spectacle, Paul a loué un hors-bord. Je l'ai conduit jusqu'à l'île et de fil en aiguille, enfin, 3 petits points. Paul, 15 août, quelle nuit! Voilà que Henri a débarqué sans prévenir. Du coup, je me suis proposée pour lui faire visiter l'île. Je crois que je n'ai rien dans le citron. Toujours est-il qu'il a été tellement gentil que ça a été plus fort que moi. On a 3 petits points! Henri, c'est ça, le donneur de sperme a un nom, enfin 3. Sam, Paul et Henri. Et ils se pointent tous les 3 au mariage? Voilà! Aïe, Sophie, mais ils sont au courant? T'es pas folle? Je les connais pas, moi. Qu'est-ce que tu voulais que je leur dise? Venez à mon mariage? Ah, au fait, vous êtes peut-être mon père. Non, ils croient que c'est maman qui a envoyé les invitations. Et vu ce qu'elle adore, pas étonnant qu'ils aient dit oui! Je suis prête à découvrir ce qu'il peut.